Micro ouvert. Trouvez sur le net. Tu vas avoir 82 ans. Tu as rapetissé de 6 cm. Tu ne pèses que 45 kilos et tu es toujours aussi belle, gracieuse et désirable. Cela fait 58 ans que nous vivons ensemble. Et je t'aime plus que jamais. Je porte de nouveau au creux de ma poitrine un vide dévorant que seul comble la chaleur de ton corps contre le mien. J'ai besoin de reconstituer l'histoire de notre amour pour en saisir tout le sens. C'est elle qui nous a permis de devenir qui nous sommes, l'un par l'autre, et l'un pour l'autre. Je t'écris pour comprendre ce que j'ai vécu, ce que nous avons vécu ensemble. Avant de te connaître, je n'avais jamais passé plus de 2 heures avec une fille sans m'ennuyer et le lui faire sentir. Ce qui me captivait avec toi, c'est que tu me faisais accéder à un autre monde. Les valeurs qui avaient dominé mon enfance n'y avaient pas cours. Ce monde m'enchantait. Je pouvais m'évader en y entrant, sans obligation ni appartenance. Avec toi, j'étais ailleurs, en un lieu étranger, étranger à moi-même. Tu m'offrais l'accès à une dimension d'altérité supplémentaire, à moi qui ai toujours rejeté toute identité et ajouté les unes aux autres des identités dont aucune n'était la mienne. Rien ne peut rendre compte du lien invisible par lequel nous nous sommes sentis unis dès le début. Nous avions beau être profondément dissemblables, je n'en sentais pas moins que quelque chose de fondamental nous était commun. Une sorte de blessure originaire. L'expérience de l'insécurité. La nature de celle-ci n'était pas la même chez toi et chez moi. Peu importe. Pour toi comme pour moi, elle signifiait que nous n'avions pas dans le monde une place assurée. Nous n'aurions que celle que nous nous ferions. J'ai toujours senti ta force en même temps que ta fragilité sous-jacente. J'aimais ta fragilité surmontée. J'admirais ta force fragile. Nous étions l'un et l'autre des enfants de la précarité et du conflit. Nous étions faits pour nous protéger mutuellement contre l'une et contre l'autre. Nous avions besoin de créer ensemble, l'un par l'autre, la place dans le monde qui nous a été originellement dénié. Mais pour cela, il fallait aussi que notre amour soit aussi un pacte pour la vie. Je n'ai jamais formulé tout cela aussi clairement. Je le savais au fond de moi. Je sentais que tu le savais, mais la route a été longue pour que ces évidences vécues se fraient un chemin dans ma façon de penser et d'agir. Sur le papier, j'étais capable de montrer que l'amour est la fascination réciproque de deux sujets dans ce qu'ils ont de moins discible, de moins socialisable, de réfractaire aux rôles et aux images d'eux-mêmes que la société leur impose, aux appartenances culturelles. Nous pouvions presque tout mettre en commun parce que nous n'avions rien au départ. Il suffisait que tu consentes à vivre ce que je vivais, à aimer plus que tout ton regard, ta voix, ton odeur, tes doigts fuselés, ta façon d'habiter ton corps, pour que tout l'avenir s'offre à nous. Je prétends parler de toi comme de la seule femme que j'ai aimée d'amour, et de notre union comme la décision la plus importante de nos deux vies. Je guette ton souffle, ma main t'effleure. Nous aimerions chacun ne pas avoir à survivre à la mort de l'autre. Nous nous sommes souvent dit que, si par impossible, nous avions une seconde vie, nous aimerions la passer ensemble. J'ai appris à dire des choses que j'avais jamais dites jusque-là. Mais oui, c'est ça de notre histoire. C'est-à-dire qu'elle m'a fait surmonter le refus d'exister. Donc, j'existais quand je lui écrivais ça. Et c'était un choix. ajoute la théorie du complot. L'ancien secrétaire d'État dénonce un complot politique. Pour étayer la thèse du complot, il évoque un complot. Donc... Je m'excuse, le Watergate... Non mais il est ironique quand il dit qu'il n'y a pas complot. Pour dénoncer une sorte de complot politique. Je suis victime d'un complot, dit-il. Elle est théorie du complot. Il y a un complot. Il y a un complot international. Y a-t-il complot? Non. Y a-t-il mystère? Oui. Toujours le même refrain. Complot, complot, complot. J'observe qu'on ne peut plus en France décrire ce qu'est la géopolitique américaine sans aussitôt se faire taxer de complotiste avec un petit rire. Sous-entendu, le pauvre, il faudrait qu'il aille quand même aller prendre des anxiolytiques et il est zinzin. Alors, je vous ai apporté, je vais le lire à haute voix parce que je suis têtu. Paris Match, 136, 27 octobre 1951, question à M. Eisenhower, qui à l'époque est à la tête du CHEP, c'est-à-dire ce qu'elle va devenir l'OTAN, et qui après devient président des États-Unis. Répond à question du journaliste. Que pensez-vous de la Fédération européenne? Réponse. Rien ne pourrait nous être plus agréable que d'apprendre que les États d'Europe occidentale ont décidé de réunir dans une ville d'Europe, disons à Luxembourg, des délégués responsables avec le mandat de rédiger l'acte constitutionnel de l'Europe, de désigner la capitale, et qu'à partir du 1er janvier, l'Europe occidentale fonctionnera comme fédération. Aucune décision ne pourrait mieux nous aider dans la tâche que nous poursuivons. Alors, est-ce que c'est du complotisme que de dire Paris Match? Bon, Monsieur Clinton, président des États-Unis le 15 novembre 1999 à Ankara, dépêche AFP de 15h35. Je suis ferme dans mon soutien à la candidature de la Turquie. Je crois très fermement que l'une des quatre ou cinq questions pour cette partie du monde est de savoir si la Turquie deviendra un partenaire de plein droit de l'UE. Aucun pays de l'Union européenne, d'ailleurs, n'a rappelé son ambassadeur à Washington en disant que ce n'était pas les affaires des États-Unis de savoir qui devait entrer dans l'Union européenne. Monsieur George Bush, président des États-Unis, discours à l'université de Varsovie. La preuve qu'on n'est pas aux ordres des États-Unis, c'est que la Turquie n'est pas entrée et n'entrera très probablement pas. Oui, ça fait déjà 6 milliards d'euros que l'on a versé avec votre argent. La France payant 16%, ça fait déjà 1 milliard d'euros sur plusieurs années qu'on a versé de fonds de mise à niveau à l'entrée de la Turquie. Comprenez-moi bien d'ailleurs, hein. Moi je ne suis pas turcophobe. J'essaye simplement de comprendre pourquoi la Turquie doit entrer et pas la Russie. C'est ça que vous devez aller demander à votre député. C'est ça, pourquoi la Russie doit-elle pas entrer dans l'Union européenne? Qui en a décidé? Et qui a décidé que la Turquie doit y entrer? Il s'agit d'une manœuvre géopolitique qui a été précisée par le président George Bush, président des États-Unis. Vous voyez que c'est quand même je ne peux pas faire mieux, comme source. Dans son discours à l'Université de Varsovie le 15 juin 2001, « Toutes les nouvelles démocraties de l'Europe, de la Baltique à la mer Noire, et toutes celles qui se trouvent situées entre les deux, doivent avoir la même chance pour la liberté et la sécurité, la même chance de rejoindre les institutions européennes. Toutes les nations devraient comprendre qu'il n'y a aucun conflit entre l'appartenance à l'OTAN et l'appartenance à l'UE. Nous faisons bon accueil à une Europe vraiment unie. » C'est du complotisme. Madame Condoleezza Rice, les élections en France, le référendum de 2005, elle était allée à Vilnius, elle est reçue par le président lituanien Valdas Adamkus, c'est une dépêche AFP du 21 avril 2005. Nous avons fermement soutenu le projet européen, son achèvement ainsi que l'Union européenne. De notre point de vue, la poursuite du succès de la construction européenne est importante. Et puis, puisqu'on parlait tout à l'heure du référendum sur l'Écosse, est-ce que vous avez noté cette chose étonnante, qu'il y a actuellement deux projets de référendum, l'un pour l'indépendance de la Catalogne, l'autre pour l'indépendance de l'Écosse. Et il y a un troisième projet de référendum en Europe, hein, qui est pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Eh bien, figurez-vous qu'au gouvernement américain, il y a un type qui est secrétaire d'État aux affaires européennes. Comme j'ai dit, nous, il faudra qu'on crée un secrétaire d'État aux affaires nord-américaines dans le gouvernement français. Eh bien, ce type est allé voir M. Cameron et a interdit qu'il y ait un référendum pour la sortie de l'Union européenne. Mais en revanche, a trouvé très bien le référendum sur l'indépendance de l'Écosse et la Catalogne. La politique d'Europe des régions étant une politique typique de diviser pour régner, voulue par les anglo-saxons. Alors moi, j'insiste là-dessus parce que je n'aime pas qu'on me traite de complotiste. Moi, c'est quelque chose que je trouve odieux, parce que c'est une façon de disqualifier son interlocuteur sans répondre sur le fond des arguments. Vous imaginez, là, je vous en ai cité quelques-uns, je pourrais vous entretenir toute la nuit. Une question qui ne vous a pas été posée aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut faire l'Europe sans que les Américains soient d'accord ? Oui, c'est là un débat essentiel. Fin, si vous voulez, j'ai pris un risque qui n'est pas de refaire un livre, mais de republier ce que j'avais écrit il y a 17 ans, en supposant ce qui vraiment était beaucoup, trop lié à l'actualité. Alors, le vrai problème, c'est l'identité européenne. Quand on parle de protection, vous voyez, de préférence communautaire, c'est-à-dire de traiter les autres différemment de nous, la justification pour faire ça, c'est d'être différent des autres. Il faut donc essayer, alors là je suis pour fabriquer une civilisation européenne. Et ça ne peut se faire pas contre les États-Unis, parce qu'ils sont trop puissants et qu'il ne faut pas se couper d'eux, mais ça doit se faire en étant différent des États-Unis. Oui, et à condition qu'ils acceptent. La construction européenne qui a été imaginée enchaîne la France à un modèle qui n'est pas du tout celui d'une Europe européenne, car l'Allemagne, pour toutes sortes de raisons économiques, militaires, historiques, est tournée vers les États-Unis. Autrement dit, on fait de l'Europe la succursale des États-Unis et on le fait de manière d'autant plus irréversible qu'on a servi la France, je m'excuse de le répéter, à un modèle allemand qui est celui d'une banque centrale indépendante qui ne laisse place à la politique que comme à une sorte d'appendice technique. Une Europe fédérale, une Europe des régions, on voit ce qui se passe en Italie, où M. Bossi réclame la partition. On voit la Catalogne aujourd'hui qui est l'arbitre des destinées espagnoles. On voit naturellement que sur le plan de la politique économique, cette Europe porte la marque du conservatisme. Et c'est ce que je reproche au Parti Socialiste. Donc, pour répondre à votre question, économiquement, il est incontestable que le plan Marshall a été bénéfique pour la France. Politiquement, il a créé une situation difficile. Il a toujours divisé et de là est venue, en grande partie, cette relation passionnelle entre la population française et les États-Unis. Le plan Marshall, en quelques mots, c'est une aide, ça a été une aide économique et financière proposée par les États-Unis à tous les pays européens à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1947. Cette aide devait permettre aux pays européens ravagés par la guerre de pouvoir se reconstruire. En contrepartie, les différents pays qui acceptaient cette aide devaient acheter en priorité des produits, devinez quoi ? Américains. Il s'agissait de relever le plus rapidement possible le niveau de vie des Européens afin de les dissuader de voter pour les partis de gauche qui étaient très puissants à l'époque. Surtout en France et en Italie, dissuader de voter pour les partis de gauche qui étaient très puissants à l'époque, surtout en France et en Italie. Alors cette aide n'a pas été acceptée par l'URSS et ses pays satellites, pays libérés par l'URSS qui se sont retrouvés sous influence communiste. Quand je dis l'URSS, c'est l'URSS. Le pays qui a reçu le plus d'argent est la Grande-Bretagne. La France arrive en seconde position. Et puis, on peut dire, depuis cette date, et c'est aujourd'hui qu'on en parle beaucoup, cet ensemble politique a mis en cause la souveraineté nationale, donc l'équilibre entre le pouvoir économique d'un côté, qui est diffus et qui est contraignant, et la démocratie politique qui a perdu en quelque sorte ses moyens d'agir. Certes, mais tel a été le choix des gouvernements français concernés. Un choix formulé très explicitement en 1950, avant la fin du plan Marshall. Un choix fait pour la première fois par Schuman et Monnet. Et ce choix délibéré n'a cessé ensuite d'être confirmé et reconfirmé jusqu'à Maastricht. Il a toujours été contesté, mais il a toujours marqué la vie politique française. Donc nous vivons toujours sous l'influence directe de ces événements que nous venons de voir de novembre 1950. 47. C'est toujours actuel. La division est là, et les avantages économiques aussi. Si j'étais français, je serais moi aussi partagé. On a coutume de dire que le plan Marshall était une invention des États-Unis, ayant pour but de faire un énorme cadeau à l'Europe. Pas du tout. Il s'agissait en fait d'une série d'investissements destinés à orienter et réorganiser l'Europe. L'idée était d'amener les pays européens à dépenser ces fonds d'une certaine manière. C'était très bien mis en lumière dans le film de Billy Wilder, 1, 2, 3, qui montrait comment une société telle que Coca-Cola était dirigée en Allemagne. C'était une superbe métaphore et en même temps, ça reflétait très bien la réalité. The Western sector, under Allied protection, was peaceful, prosperous, and enjoyed all the blessings of democracy. Just by coincidence, this happened to be the company I work for. To Wendell P. Hazeltine, Home Office, Atlanta, Georgia. From C.R. McNamara, Berlin Branch. Production figures for May, 270,000 cases. Consumption per capita now 5.2% above last year. Ils ont aussi exporté des idées. En Allemagne, on s'est mis à diriger les entreprises et les écoles dans un tout autre esprit. Et on ne pratiquait plus la politique de la même façon. Tout était calqué sur le modèle américain. Publicity campaign to reorient German businessmen's lunch succeeding. 27% now having Coke with the Knackwurst. Now, here's a real hot flash. We may become the first American company to crack the Iron Curtain. Wo fahren Sie hin? Aus Berlin. Papiere. American citizen. What is the purpose of your visit? I'm going to see Commissar Perepetchikov, chairman of the Russian Trade Commission. What for? On business. I represent Coca-Cola. Coca-Cola? You have proof? Will this do? I confiscate proof. Fair enough. Just return the empty. Okay, proceed. À terme, vous finirez par créer un grand marché européen. Il sera intégré aux États-Unis et activé par le moteur du libre-échange américain. Et vous, ouvriers, vous aurez un meilleur niveau de vie, surtout si vous n'avez ni syndicat ni parti communiste. Le plan Marshall était en fait un énorme compromis basé sur un effet de levier. On sait aujourd'hui qu'il n'a représenté que 5% des fonds investis dans la reconstruction entre 1947 et 1951. Mais ces 5% jouaient un rôle crucial dans la direction à prendre. Alors l'autre partie de la question portait sur le fait que vous avez été candidat donc pour prendre la tête de la BERD, donc la Banque Européenne de Reconstruction et Développement, candidat malheureux, puisque c'est un Britannique qui a finalement été choisi contre toutes les règles tacites, puisque l'institution est déjà basée à Londres. Français et Allemands n'ont pas vraiment réussi à s'entendre. En tout cas, il y a eu un petit peu de cafouillage sur la ligne, sur un partage des postes de responsabilité, l'un après l'autre, en Europe. Est-ce que ça va continuer? Vous sentez victime d'un cafouillage? Je ne me sens absolument pas victime, je n'ai pas l'impression d'être une victime. Ce que je fais à la Banque Européenne d'Investissement est absolument passionnant. Mais puisque vous revenez sur un épisode d'il y a deux semaines, soyons simples, l'Union Européenne n'arrive plus à prendre ses décisions à 27 par consensus. Et donc à partir du moment où elle n'y arrive plus, c'est la graine de la division qui est là. Écoutez, on a le résultat qui était prévisible lorsque les 27 États membres n'arrivent plus à s'entendre entre eux, c'est que c'est le reste du monde, dirigé par les États-Unis, qui prend les décisions à la place de l'Union européenne. C'est un choix de certains États européens de préférer suivre les États-Unis plutôt que de suivre les décisions par consensus à Bruxelles. Mais le problème qui se pose est celui de la situation de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Et ça, ça ramène à une politique américaine. C'est la politique américaine qui conditionne la politique européenne. Les États-Unis, déjà face à l'Union soviétique, avaient voulu organiser en Europe quelque chose qui soit une zone, sorte de contre-feu à l'Union soviétique. Évidemment, la Seconde Guerre mondiale a changé complètement le contexte. Et les Américains qui avaient organisé des réseaux pour diffuser cette politique ont considéré naturellement, en partant des traités de Westphalie, et de la situation de l'Europe autrefois, que les nations en Europe, c'était la guerre. Donc il fallait les supprimer, les nations. Il fallait donc supprimer les États et les nations souveraines. Ça a été dit expressément Ça a été dit par Bush, ça a été dit d'abord par Monnet, qui portait, comme chacun sait, le message européen. Il était convaincu, mais il le portait. C'était d'ailleurs un agent américain. On sait même combien il a été rémunéré, puisque maintenant c'est déclassifié. Michel Onfray, vous pensez qu'une autre politique est possible aujourd'hui ? D'abord, il n'y a plus de président de la République en France depuis que l'Europe existe. Le président de la République, c'est le Premier ministre qui prend ses ordres en Europe, et je crois à l'Europe, au gouvernement européen. Et je pense qu'il n'a pas le choix, François Hollande, de faire cette politique-là plutôt qu'une autre. Il continuera, évidemment, et il est dans une logique qui est bien la sienne. Les gens font semblant de découvrir Hollande aujourd'hui. Il a fait l'éloge de l'Europe, de l'euro. Il nous a dit rien à faire des peuples. Ils votent, mais s'ils sont du côté du mauvais vote, eh bien, on va faire de telle sorte que ça passe quand même. Il s'entend très bien avec Sarkozy sur ce terrain-là. Donc je pense qu'il y a juste une espèce de psychodrame avec des personnages qui sont dans le carriérisme, dans l'affairisme politique. Mais ça ne va rien changer. Non, moi, je vous parie que ça continuera comme avant, parce que la France n'a plus le choix de mener une politique le souverainisme. Si on peut sortir de l'euro, par exemple. Oui, il faudrait. Mais voilà. Ah, oui. Il faudrait. Voilà une position. Oui. Bah, très bien. Et on a donné un spectacle absolument mais lamentable, un spectacle honteux où chacun défendait ses intérêts nationaux, et notamment l'Allemagne, qui a refusé de comprendre que l'on partageait un destin commun. Obama a pris son téléphone et a appelé la chancelière pour lui dire « il faut céder ». Alors il a eu une conversation avec Nicolas Sarkozy, mais le point dur était la chancelière. Il a passé un coup de fil le vendredi, il l'a rappelé le dimanche pour la faire céder, et il est parvenu à la faire céder. Mais son intervention ne s'est pas arrêtée là. Il a appelé aussi Zapatero, le Premier ministre espagnol, qui lui-même refusait de comprendre l'ampleur de la crise. Et donc il a dû appeler Zapatero pour lui dire « il me faut un plan de rigueur ». Et donc Zapatero, qui jusque-là refusait de céder à la pression des partenaires européens, a annoncé dès le lendemain qu'il allait adopter un plan de rigueur, et ça a calmé, contribué évidemment à calmer les marchés qui ont été rassurés. Donc moi je pense que le président actuel de l'Union européenne s'appelle Barack Obama. Et donc là, maintenant, ben, on peut s'écouter la troisième et dernière partie des exclus dans les médias. Alors, ça a été organisé par le Salon des médias alternatifs à Namur 2015. Hein, et bien, on pouvait, autour de cette table ronde, enfin, il n'y avait pas de table, hein, ceci dit, il n'y avait que des chaises mises un peu en rond. Et on pouvait entendre François Collinet, chroniqueur culturel RTBF, Jean-Claude Garot, éditeur. Ils ne sont pas que ça, hein, mais j'ai noté ça parce que c'est pour ça qu'on les appelle pour parler des exclus dans les médias. Stéphane Houbeck, coordinateur éducation médias RTBF. Abel Carlier, professeur d'analyse des représentations médiatiques audiovisuel, Alexandre Pénas pour le journal Kairos, Ronnie Ramirez pour Zine TV et Michel Collomb pour Investigation. Sachez que ce que vous allez entendre, eh bien, il y a deux autres parties à entendre. Voilà. Et cette dernière partie, c'est surtout ben, les gens qui peuvent enfin donner leur avis. Oui, d'un autre côté, maintenant, tout le monde peut créer son média effectivement avec son smartphone. Mais est-ce que c'est du journalisme ? Est-ce que c'est aussi, finalement, de l'immédiateté de l'événementiel ? Est-ce que c'est une relation qui explique les choses ou simplement qui les relate au travers de son prisme personnel ? Voilà. Comme tout journaliste, certainement. On disait tout à l'heure avec Abel que l'impartialité, l'objectivité n'existent pas. On est tous, moi, quand je vois les choses, je les vois au travers de mes yeux de syndicaliste, toi, au travers de tes yeux de psychologue. Donc c'est vrai que chacun, nous avons une formation, nous appartenons à une institution, et donc forcément, nous voyons les choses avec notre propre vision des choses. Mais Jean-Claude, voulais intervenir, si tu veux bien. Et puis, il y a encore des questions dans la salle. Moi, je crois qu'il faudrait quand même qu'on distingue ce qui est les grands enjeux de société de l'ensemble de toute une série de faits qui sont plus secondaires au niveau de l'évolution économique, sociale et culturelle de notre pays. Si on prend au sérieux que les grandes multinationales, avec leurs capacités financières gigantesques, leurs lobbies vraiment colossaux, ont décidé d'essayer de créer ce traité transatlantique, ce n'est pas parce qu'ils veulent qu'un certain nombre de normes, de pare-chocs, de ceintures de sécurité ou de phares ou de prises de courant soient mises au point entre les États-Unis et l'Europe. C'est pour complètement dominer l'ensemble des structures économiques et sociales, abolir les droits de l'État et abolir une série de nos droits démocratiques et de notre capacité de légiférer sur de nouvelles lois. Et quand ça, c'est en jeu, c'est à ce moment-là qu'on mesure qui contrôle les médias. Qu'est-ce qu'il y a eu comme information sur le fait que les gouvernements d'Europe ont délégué à la Commission européenne un mandat pour le CETA. Le CETA, c'est entre le Canada et l'Europe. En quelle année? Qui en a parlé? Dans combien de journaux? Rien. Zéro. 3 ans de négociations ont conclu. M. Van Rompuy et M. Barroso partent signer au Canada. Signer quoi? Personne ne le sait. Vous ne l'avez jamais lu, vous n'en avez pas entendu parler. Il n'y a pas eu de débat, ni à la télévision, ni dans les quotidiens. Zéro. Et puis on recommence, c'est le traité transatlantique. Qui a lu le mandat de la Belgique? C'est par une fuite que nous l'avons obtenu des années après. Et nous avons dû nous battre tous les jours pour essayer de gagner des fractions d'informations. Et les médias, les grands médias, les journaux, etc., n'en ont pas parlé. Ils n'ont commencé à en parler que quand les rapports de mobilisation les ont obligés à en parler. Et ils l'ont fait de manière anecdotique et secondaire. À un tel point que si vous avez regardé le journal télévisé de France 2 hier, ils ont parlé de TAFTA, parce qu'en France, on dit TAFTA au lieu de TTIP. Et ils ont dit quoi? Qu'il y a de grands avantages, c'est les normes au niveau automobile, ceci, ça, ça, ça. Et que bien sûr, il y a des personnes qui contestent cela en disant qu'il y a des menaces sur nos droits démocratiques et sur la démocratie. Quelles menaces? Ils n'ont pas pu citer ni l'enseignement, ni la médecine, ni quoi que ce soit. Et ce n'est pas, disons, aujourd'hui, dans les grands médias français que vous le trouvez, ni dans les grands médias belges. Mais la clé de discussion, elle se passe sur qu'aujourd'hui, ceux qui disent encore qu'ils veulent défendre la, disons, démocratie du débat, et que le TTIP n'est pas encore fini, donc il faut attendre qu'il soit complètement élaboré pour avoir son opinion, il triche. Il triche parce que le CETA a eu lieu dans l'incognito de tout le monde et a été au Canada signé par Barroso, et personne ne l'a lu, et personne n'en sait rien, on ne trouve pas que c'est un débat démocratique qui a été estompé. Et c'est ça l'enjeu de la société de demain. C'est que si tous les médias écrits, radio et télévisés, peuvent complètement escamoter un débat de société vital pour nos générations futures et qu'on n'en parle pas du tout, aucun débat, à ce moment-là, je crois que la société que nous générons demain, c'est une société où l'être humain ne sera plus qu'un objet de consommation au profit des multinationales. Mais ce sera en partie notre faute parce qu'on ne se sera pas assez révolté. C'est pour ça que nous avons essayé humblement de sortir à 170 000 exemplaires pour essayer de faire réfléchir les gens, non pas en contactant le public de la gauche radicale, mais bien en contactant le public très très large, le plus large possible, les classes moyennes, les gens dans les professions agricoles, dans l'enseignement, etc. Je crois que c'est l'enjeu que chacun d'entre nous va devoir développer, et les médias qui sont ici, c'est leur tâche prioritaire pour moi, parce que si nous ne forçons pas le déverrouillage des grands médias, ce n'est pas eux qui le feront par eux-mêmes. En fait, ce que j'ai pensé en vous écoutant, c'est qu'il faudrait, en tant que citoyen, se former nous-mêmes ou via des gens qui connaissent déjà plus aux médias sociaux. Parce que par exemple, Facebook, il y a des entreprises derrière. Si on va voir sur Viadeo, on peut voir que pour la publicité aussi, et beaucoup de gens le savent, dès qu'ils vont sur Facebook, il y a des publicités qui apparaissent par rapport aux liens qu'ils mettent. Savoir mieux comment on référence les sites internet tels que Facebook ou d'autres médias pourrait peut-être nous aider aussi à créer d'autres informations, d'autres sites qui auraient justement des critiques par rapport aux médias actuels. Maintenant, c'est ambitieux, mais ça nous permettrait peut-être d'avoir une force aussi au niveau du net, quoi. Donc des médias sociaux, vraiment sociaux. Je trouve que c'est une question intéressante parce qu'effectivement, toute la problématique échappe en quelque sorte par tous les bouts aux professions journalistiques en général et aux médias en général. La problématique, elle se répand, elle percole dans le public. Et il y a quelque chose qui est apparu comme très important ces dernières années, c'est l'éducation aux médias, c'est-à-dire rendre le citoyen compétent et critique par rapport à ce à quoi il est exposé à travers les médias. Et ça, ça permet de faire évoluer la liberté individuelle par rapport au discours dominant, par rapport aux analyses dominantes et aux représentations dominantes. Alors, je voulais simplement évoquer qu'en 2010, s'est mis en place le Conseil supérieur d'éducation aux médias, qui avait pour mission de mettre en place toute une série d'opérations destinées au public le plus large, c'est-à-dire rendre les gens compétents, quel que soit leur âge ou tout au long de leur existence, concernant notamment les pratiques médiatiques. Tant en tant que producteur de médias, on en parle, que en tant que spectateur lambda, je veux dire. Alors, ça c'est en 2010, ça s'est mis en place. C'est une histoire avant ça, enfin, je vais faire court. En 2012, il y a eu un grand colloque à Bruxelles, alors que la Belgique était présidente de l'Union européenne. C'est un grand colloque qui a donner lieu à ce qu'on appelle la déclaration de Bruxelles, la déclaration de Bruxelles qui rassemble en quelque sorte, qui formalise cette nécessité de mettre en place des opérations d'éducation aux médias. En 2000, donc ça c'est 2012, aujourd'hui ce conseil est en place, fonctionne toujours et a toute une série d'initiatives. Et par ailleurs, se développe aussi des sections, des départements de formation au niveau master dans certaines écoles de communication pour sensibiliser effectivement les professeurs, les futurs professeurs, les futurs animateurs, les futurs journalistes aux nécessités de promouvoir les compétences médiatiques. À la RTBF, il y a aussi, tu t'en occupes, je te laisse parler par rapport aux initiatives de la RTBF, c'est mieux. En fait, moi j'avais une question, c'est-à-dire que je travaille en CPAS, donc je suis assistant social, et on parle souvent des exclus, enfin je vous ai entendu beaucoup parler des exclus. Moi, les premiers exclus que je vois, c'est pas des exclus immigrés ou quoi que ce soit, j'ai pas envie de les catégoriser, c'est juste des personnes, tout simplement, ils ne cherchent pas à vivre, ils survivent, et on parle des médias, mais ils n'ont tout simplement pas accès à cette information pour une question d'argent, parce que ça coûte cher. Et que la presse qui est dite gratuite, c'est pas forcément une presse de qualité. Et je peux comprendre que lorsque on passe des journées, des semaines et des mois, non pas essayer de vivre, mais de survivre, quand on rentre à la maison, pour eux, c'est beaucoup plus simple de voir Koh-Lanta parce que ça leur permet de s'évader, plutôt que de voir un documentaire sur l'euthanasie, parce que c'est ce qu'ils vivent au quotidien. Et parfois, tout simplement, ils veulent penser à autre chose. Donc, est-ce que vous pourriez réagir par rapport à ça, parce que selon moi, c'est le premier frein avant de parler de tout ça. Quand j'ai cité Koh-Lanta, c'était sans aucune volonté de stigmatiser, parce que voilà, Koh-Lanta est par ailleurs un programme tout à fait respectable. Je n'estime pas qu'il y a des programmes de haute qualité, et puis à l'inverse, parce que chacun a le droit de regarder ce qu'il veut. Hein. Mais je faisais juste le constat en termes audimétriques, parce que on sait que ça conforte ce que vous venez de dire, mais ça vaut aussi pour des gens qui ne sont pas exclus, mais qui travaillent, ils rentrent le soir, ils sont crevés, ils préfèrent regarder un divertissement qu'un débat sur le traité transatlantique. Mais c'est donc le choix individuel. La possibilité de faire ce choix, eux n'ont pas la possibilité de faire ce choix parce qu'ils n'ont pas accès. Oui, non, mais d'accord, donc ça sans doute qu'il y a. Une réponse toute simple. Le micro serait chouette. Désabonnez-vous de tous vos services, donc Belcalcom, vous, etc. Vous aurez accès à une seule chaîne, c'est AV3. À quoi AV3, c'est tout. Non, AB3. Moi, je l'ai fait, j'ai accès qu'à AB3. Tout le reste, si je veux avoir accès à une télévision, je suis au minimum obligé de payer la télédistribution, donc 18 euros par mois. Ouais, vous n'avez plus qu'à lire, du coup. Ah, enfin, j'ai enlevé la télé, c'est plus simple. La télé, bon... Qu'est-ce qu'elle rapporte, la télé, enfin. Voilà, donc la télé gratuite, j'y crois pas vraiment. La télé gratuite et les autres médias gratuits, puisque finalement, s'abonner à un journal, ça coûte cher. Est-ce qu'il y a des alternatives médiatiques qui sont accessibles aux exclus de notre société, aux exclus financiers de notre société? Ils sont de plus en plus nombreux. Sur Internet, nous, on fait tout gratuit. Mais oui, il faut avoir accès à Internet. Mais oui, mais ça fait partie aussi d'un problème d'exclusion. Aujourd'hui, celui qui n'a pas Internet, il perd beaucoup d'accès au monde, et de plus en plus, on a l'impression qu'Internet va remplacer tout le reste. Si l'information était faite par les médias de service public comme un service aux citoyens, le travail que nous faisons serait fait par eux, et nous, on ferait du tourisme ou autre, du jardinage. Donc, si on trouve que le genre de choses qu'on a dites ce soir et les médias indépendants sont valables, on devrait être subventionné tout en gardant notre indépendance, parce qu'on accomplit vraiment une tâche de service public. Je veux dire, les gens, ils ont besoin d'infos pour comprendre le monde, pour savoir comment faire leur choix, pour savoir comment voter, pour savoir s'ils doivent accepter ou refuser une guerre. Et ça, je le dis très clairement, ça n'est pas fait par le service public, et je ne suis pas satisfait avec la réponse qu'on n'a pas le droit d'exiger de passer au JT. La question reste, pourquoi les gens qui sont contre les guerres décidées par nos gouvernements sont censurés par le journal télévisé, le journal parlé, fait avec nos taxes à tous? Donc si on pose le problème de l'information financière, oui, elle a un coût. Chez nous, il est très réduit parce qu'on est essentiellement des bénévoles et on demande aux gens qui le peuvent de verser du soutien pour que les gens qui ne peuvent rien payer aient l'accès à l'info gratuite en trouvant les moyens d'arriver à Internet. Mais ce sont des bouts de ficelle. Il faudrait arriver à produire les choses. Je veux dire, les sujets compliqués, c'est un faux débat, hein. Le divertissement ou les émissions intéressantes. Il y a très bien moyen, et accrocheuse, il y a très bien moyen de parler de sujets comme la guerre, la pauvreté, la consommation, l'écologie, les exclusions, d'une manière très très accrocheuse, et que ça va avoir du succès. Mais il faut des moyens. Mais c'est un faux débat. Et la publicité a une influence énorme sur les contenus. Je vais donner deux exemples. Il y avait dans le temps un quotidien anglais, qui s'appelait le Daily Telegraph. Il avait le plus gros des tirages de tous les quotidiens en Grande-Bretagne. Mais il était fort à gauche et fort critique. Les annonceurs publicitaires l'ont boycotté et il a fermé. Donc elle a une influence, la pub. Et quand il y a eu la grève, la fermeture de Renault Villevorde ici, une série de médias ont critiqué Renault, parce que vraiment c'était énorme, il y avait une protestation populaire. Renault a été critiqué. Renault a dit « on supprime tous nos budgets publicitaires ». Pendant 6 mois, dans le soir et dans la journée, comme ça. On a vu le ton qui baissait. Il paraît que Volkswagen a fait de même il y a quelques semaines. Beaucoup d'exemples. Volkswagen, donc, il y a l'exemple qui vient d'y avoir. Hein, voilà. Je ne sais pas si il est au courant. Plus récent. Mais une agence de publicité qui a le budget Volkswagen a envoyé un mail à tous les rédacteurs en chef des quotidiens français en disant « Ou bien vous faites une impasse sur le dossier Volkswagen pendant 8 jours et je vous garde les budgets de publicité, ou si vous continuez à fournir une série d'informations sur le traficotage informatique pour le contrôle de la pollution, eh bien, on vous supprime les budgets de publicité. » Un seul journal a dit « Je continue ». Tous les autres ont dit « On fait l'impasse pendant 8 jours et on garde le budget publicitaire ». Donc ça prouve quand même que l'intervention est réelle de la publicité. C'est pour ça que je crois qu'un des critères de presse à l'avenir, doit être, en effet, de concevoir des journaux sans publicité, des émissions sur le web sans publicité, des films sans publicité. Mais la question de monsieur est assez intéressante, c'est celle de dire, est-ce que les populations les plus défavorisées vont regarder une émission, vont aller voir le web ou vont lire un journal? On s'est posé cette question, et quand on a fait pour un grand tirage, on a fait deux tirages. Un vendu dans le réseau commercial, 112 000 exemplaires vendus à 3 euros. On croit qu'on a dépassé les 40 000 vendus, on n'a pas encore les chiffres définitifs. Mais on a fait une édition gratuite qui est exactement le même contenu mais avec une autre couverture, pour des raisons juridiques, pour ne pas se faire assigner en justice, pour concurrence déloyale. Et donc on a fait la deuxième couverture, où vous avez vu aujourd'hui, on en a distribué, il nous reste environ 5-6 000 sur les 58 000 imprimés. Et les 58 000 imprimés ont été distribués par toutes les formes politiques, syndicales, militantes ou individuelles, à des gens qui ne le sollicitaient pas. Et donc, par exemple, sur des lieux de travail, avec les syndicats, dans les entreprises, dans des écoles, dans des hôpitaux, etc. Et donc ça, c'est vraiment important. On apporte un matériel de réflexion à des gens qui n'ont pas été essayés de le trouver en librairie. Car la démarche d'aller en librairie pour trouver un contenu, pour trouver un journal, ça n'est pas du ressort des gens les plus défavorisés et les plus exclus de la société. Donc c'est aussi à nous à voir comment on peut les stimuler par l'intermédiaire de personnes qui sont volontaires et qui disent, moi, dans mon hôpital, je suis infirmière ou médecin, peu importe quoi, je vais aller distribuer à une série de gens ce journal et expliquer que c'est important. D'autres avec des délégués syndicaux à des ouvriers en usine, d'autres avec des enseignants vis-à-vis des élèves, etc. Et nous avons quand même diffusé jusqu'à présent plus de 51 000 journaux de cette manière-là, où les militants sont intermédiaires pour fournir et expliquer pourquoi ce contenu doit les intéresser pour la société de demain. Encore une question dans la salle. Bonjour, en fait je voulais juste replacer le débat au niveau macroéconomique, ou plutôt économique, dans le sens où aujourd'hui on parle des médias, mais on sait pertinemment que les médias sont une arme de domination culturelle et économique d'une classe dominante sur le reste de la population. Quand je dis ça, je parle en fait d'hégémonie culturelle. Gramsci, tout simplement, il expliquait tout simplement que ce qu'ils cherchent aujourd'hui, ce que les dominants cherchent aujourd'hui, c'est à en fait imposer une hégémonie culturelle sur toute une partie de la population pour ensuite pouvoir en fait continuer ce système capitaliste et ce système qui amène beaucoup de profits. Et ça a un lien direct avec ce qu'on parlait aujourd'hui, ce que le premier monsieur... Le premier, je me souviens plus de son nom. Monsieur Collinet parlait donc le fait qu'il y ait peu de personnes handicapées ou peu de personnes discriminées ou plutôt personnes d'origine étrangère à la télé. C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, on sait pertinemment que la personne d'origine étrangère ou même l'handicapé n'amène pas de profit ou plutôt dans les préjugés que les gens ont. Aujourd'hui, c'est que on ne pourrait pas avoir autant de profit avec des personnes handicapées, des personnes de couleur. Et donc le problème nous amène à se poser comment pouvoir changer ça. Moi, ma réponse que j'ai aujourd'hui, c'est tout simplement que on a deux possibilités. On a soit la possibilité de créer nos propres médias. Aujourd'hui, avec Internet, c'est la possibilité qui nous est offerte. Ou tout simplement de pénétrer les institutions médiatiques publiques. Mais là, on est face au plus gros problème, c'est-à-dire que, tout simplement, on sait qui détient les médias, et donc forcément, il est très probable, voire impossible pour nous de les intégrer sans être économiquement stable. Et ça rejoint le plus gros problème, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, les gens discriminés comme les gens de cité ou les gens d'origine étrangère, sont tout simplement socialement très faibles, sont dans ce qu'on appelle le prolétariat, sont des gens qui n'ont pas la possibilité d'eux-mêmes créer les médias, de rentrer dans ces médias-là et de mettre leur voix. Donc le problème, moi, pour moi, il est plutôt économique, plutôt social. Et à partir de là, on a une grille de lecture beaucoup plus claire de la situation et de la situation des discriminés, des gens comme vous ou comme moi qui sont donc handicapés. Et ça permet en fait de comprendre mieux le système aujourd'hui et le fait qu'il n'y ait pas en fait de noirs ou d'arabes ou même de gens handicapés dans les médias. Merci. Voilà, merci. Merci monsieur pour votre interpellation. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans le débat pour ou contre le capitalisme, etc., parce que j'ai pas forcément un avis d'expert. Alors, forcément, vous disiez qu'il n'y a pas que les experts qui peuvent s'exprimer, mais ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est que moi, si je suis amené à produire mon propre média, parce que je n'ai pas la place dans les médias existants, j'aurais l'impression d'avoir perdu. Parce que quand Stéphane disait que l'évolution technologique permettait aujourd'hui de créer ses propres contenus, d'avoir une segmentation plus importante et qui présentait ça comme une vraie avancée, je suis d'accord avec lui. Par contre, là où il y aurait un vrai danger, c'est si on nous répondait, si vous voulez être présent dans les médias, créez le vôtre, quoi. Ça, ce serait vraiment dangereux. Et moi, je me bats beaucoup. J'ai commencé mon intervention tout à l'heure en parlant des stéréotypes véhiculés dans la société sur les personnes handicapées. Je pense, pour rebondir sur ce que vous dites, qu'un des stéréotypes sur les personnes handicapées, c'est qu'elles n'ont pas de valeur économique, qu'elles ne peuvent pas faire partie de la société marchande. Alors, j'ai entendu beaucoup de critiques sur la société marchande ici. J'en partage certaines, d'autres pas. Mais moi, en tant que personne handicapée, je me bats énormément pour qu'on nous entende comme des consommateurs. Alors, c'est vrai que quand on est handicapé, il vaut mieux être riche, c'est certain, et que beaucoup ne le sont pas. Mais je pense que les personnes handicapées doivent être reconnues, doivent se battre pour qu'on les reconnaisse comme des consommateurs potentiels. Je vais prendre un exemple. Je me bats depuis à peu près 20 ans pour pouvoir avoir accès aux salles de cinéma. Moi qui adore le cinéma, à Bruxelles, je suis limité à 5 salles accessibles sans marche sur l'ensemble des cinémas, que ce soit les complexes UGC, Kinépolis, mais aussi les plus vieux cinémas ou les cinémas dans lesquels j'aimerais aller, comme le Styx, le Vendôme et j'en passe. D'accord ? Quand je dis aux responsables de ces cinémas, parce que j'ai été les voir, on a fait des choses, on a fait des coups médiatiques, on a fait beaucoup de choses. Quand je leur dis que s'ils font un investissement, un petit investissement, pour avoir ne fût-ce que des rampes d'accès pour pouvoir accéder à des salles, parce que moi je ne fais pas partie des gens qui pensent qu'il faut mettre des bombes et tout, et exiger qu'on mette tout aux normes des handicapés, parce que c'est nous qui sommes hors normes, mais simplement leur proposer des choses très concrètes qui ne vont pas leur coûter des milliers des cents, je leur dis, si vous faites ça, vous allez avoir plus de monde, parce que les personnes handicapées vont venir, le bouche à oreille va fonctionner, nous avons de l'argent, nous voulons consommer, eh bien on ne nous croit pas. On nous dit qu'on représente une partie négligeable de leur clientèle, et quand je leur réponds que c'est parce que c'est pas accessible que c'est le cas, les gens, ils ne prennent pas ce risque-là. Parce que le stéréotype qui dit que la personne handicapée doit être assistée et qu'elle est forcément pauvre, il est terriblement ancré. Et donc je crois que dans les choses qui sont importantes à véhiculer dans les médias, il y a le fait qu'on n'est pas soit des miséreux, soit des héros, dont je parlais tout à l'heure, mais il y a aussi le fait que nous souhaitons participer à la vie économique et sociale. On a beaucoup parlé de l'économique aujourd'hui, mais dans la vie sociale, il y a le fait de consommer, d'acheter des biens et surtout de pouvoir avoir accès à des lieux de culture. Et je pense qu'on pourra faire tout ce qu'on veut comme sitting et comme effet coup de poing, tant qu'on ne présentera pas les personnes handicapées comme des consommateurs à part entière, ben on n'aura pas gagné là-dessus. Et justement, peut-être présenter des minorités ou des personnes différentes comme des consommateurs me pose problème, moi, parce que je préférais qu'on me les présente comme des citoyens, tout simplement. Oui, parce que réduire le débat à une question de consommation induit justement tout l'aspect économique qui va avec. Je suis tellement d'accord, mais c'était l'interpellation de monsieur, c'est pour ça. Oui, j'entends bien. Il y a encore deux médias, en fait, dont on n'a pas parlé du tout, et les radios dans tout ça. Parce qu'on parle de la presse écrite, on parle de la télévision, la radio, elle est peut-être un peu plus accessible justement aux personnes qui n'ont pas de moyens d'avoir un abonnement Internet, qui n'ont pas les moyens d'avoir un abonnement à la télévision numérique ou autre, ou satellitaire. La radio, quelle est la place de la radio encore aujourd'hui pour rendre compte justement des phénomènes d'exclusion. Et puis, je vois mon ami Benoît dans la salle, qui est directeur d'une télévision communautaire, télévision locale, comme on appelle ça, qui a encore dans ses missions de l'éducation populaire, on dit maintenant éducation permanente, et justement présenter une forme alternative d'information peut-être. Moi, je voudrais dire un petit mot, parce que j'ai entendu beaucoup de critiques de la RTB et la radio, et je vais peut-être étonner, mais moi, je trouve que c'est non fondé en grande partie. Bien sûr, j'ai critiqué le fait que le traité du CETA n'a pas été débattu de manière large en télévision, en radio et dans les quotidiens. Mais en dehors de cela, si on veut se donner la peine de comparer, à part Arte, qui fait un très bon travail, disons, si on compare les chaînes de télévision françaises avec ce que nous avons comme couverture télévisuelle en Belgique, et sur les faits politiques, et sur les faits sociaux, et sur les analyses de société, et même les analyses de politique étrangère, je trouve que la RTB n'a vraiment pas de leçons à recevoir des chaînes françaises privées qui sont exécrables. Et je trouve que toujours taper sur la RTB et sur la radio que nous avons, c'est, je crois, déforcer le débat démocratique. Je crois qu'il vaut mieux les encourager et participer avec eux à encore développer davantage la démocratie la plus directe possible. Je crois qu'il faut pas le débat en termes de taper. C'est pas taper, c'est parce qu'on croit encore au service public qu'on dit des choses comme ça. Moi, j'ai entendu des gens à l'intérieur de l'RTBF qui trouvaient déplorable le niveau du journal parlé de Brigode notamment, qui est de la même piètre qualité que celui d'RTL. C'est parce qu'on y croit encore qu'on dit ça. Mais il y a évidemment plein d'émissions de qualité sur l'RTBF. Mais de là à dire qu'elle traite l'information encore quand même mieux que la France, mais oui, mais je crois qu'il faut faire des comparaisons par le haut et dire qu'elle pourrait faire beaucoup mieux. Mais moi, en tout cas, voir un JT de l'RTB, ça me déprime. Dans une petite réflexion, c'est M. Lacquidi que ces cassettes ont été vendues au marché. Ça me pose une question. Pour une équipe qui a travaillé pour l'éducation populaire, et qui ne gardent pas cette mémoire en archive. Ça, je ne comprends pas qu'on les vende au marché. Mais vous êtes collectionneur, je vous admire. Daniel Mermet s'est fait virer à la radio, en France Inter. J'ai podcasté pas mal de ses émissions, et parfois j'en écoute encore une, parce qu'il y a là des analyses de conjoncture avec des gens du trottoir. Et c'est toujours valable d'écouter ça. Mais je crois que ces cassettes et ces enregistrements existent encore, je suppose. Oui, Mermet de toute façon a développé une activité via le web. Bon, et voilà. Et en ce qui concerne les fameuses cassettes, disons qu'il faut quand même savoir que c'était aussi une dislocation économique de la part il y avait ça qui jouait. Des dettes à rembourser, etc. Et ça s'est fonctionné comme ça. Mais c'est très malheureux, j'en crois bien. Juste sur la question de la mémoire, petite précision par rapport à ce que Abel Carrier explique. Depuis maintenant quelques années, il y a un travail de numérisation des archives sonores et audiovisuelles qui est en cours. C'est l'activité aujourd'hui de la Sonuma. Et c'est une activité qui est effectivement très importante, mais qui implique aussi donc de l'argent, ce sont des financements. Et c'est effectivement essentiel parce que c'est une manière de conserver cette mémoire. Bon, là, c'est la mémoire de la RTBF, hein, c'est pas la mémoire d'autres supports, mais de la même manière que la presse écrite aussi a procédé à la numérisation de ces archives papier. Et c'est effectivement essentiel. Et là aussi, je suis désolé de dire que c'est un acquis des nouvelles technologies, parce que grâce à ces technologies-là, aujourd'hui, vous, par exemple, sur base d'une simple recherche sur un site Internet, vous allez retrouver un article de presse de 1915 ou une émission de radio de 1960. C'est génial. Et ça, c'est à mettre en avant. Donc, quand on parle de la perte de mémoire, je crois aujourd'hui, on est plutôt dans une évolution où on retrouve la mémoire. Et ça, c'est ici aussi pour moi, évidemment, quelque chose d'indispensable et d'essentiel. Encore faut-il savoir chercher. C'est-à-dire que ça, c'est la compétence du citoyen dont je parlais tout à l'heure. Il faut savoir ce qu'on cherche, comment chercher, avoir les moyens, monsieur, vous avez évoqué ça aussi. Donc, il y a vraiment une compétence à développer chez les personnes en matière de savoir chercher, quoi on cherche, comment on cherche, avec quoi on cherche, et aussi la manière de travailler, la synthèse de tout ça pour construire, quelque part, son propre récit historique. C'est très, très important. Tu voulais réagir. Justement, enfin, pour aller dans le sens de retrouver la mémoire et revitaliser les archives que la Sonuma est en train de faire en ce moment, Zine TV a acheté des archives pour les utiliser à RTL et de la RTBF. On a produit un documentaire qui s'appelle Dexia, démocratie confisquée. En gros, ça raconte l'histoire, pourquoi on en est là. En fait, ça explique... Comment on a mis tout notre argent pour sauver une banque. Ce que je trouve bizarre, c'est que le film ne peut pas passer à l'RTBF, alors que ce sont les propres images, les propres archives de l'RTBF. Donc, retrouver la mémoire, la mémoire, disons, elle est plutôt sélective dans ce cas-là. Oui, voilà, toujours sélective, effectivement. C'est pour ça que l'objectivité est un leurre, enfin, croire que ce... que ça existe, franchement, faut croire ses propres... Enfin, bref, ce que je... juste une publicité, on a invité Daniel Mermet le 8 et le 9 janvier à Bruxelles. Donc le 8 au Nova et le 9, on cherche encore un lieu pour justement continuer à débattre, etc. Et pour rejoindre aussi le camarade qui parle là-bas. Je rajouterai encore une solution, c'est la plus grosse dotation qui part quand même à l'RTBF, c'est votre argent. Je pense qu'il y a aussi un rôle à vous de jouer en tant que citoyen, à nous tous comme citoyens, c'est d'exiger que la télévision de service public accomplisse sa mission culturelle, éducative et informative. Je pense qu'il y a aussi des combats à mener de ce côté-là. Voilà, donc on arrive tout doucement à la fin de notre temps de débat. Je vous propose de prendre encore la dernière question dans la salle, et puis de clôturer ensuite. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez, monsieur Garot. Je suis plutôt branché Internet, mais pour ce que j'en sais je vais prendre la RTB, parce que RTL TV, ça ne compte pas, et pour le reste en Belgique, il n'y a pas grand-chose pour moi. Mais peut-être qu'au niveau des documentaires, etc., on est fourni. Mais après, pour ce qui est, je pense, de la politique étrangère, on n'a quand même pas Frédéric Taddeï en Belgique. Et donc, du point de vue politique étrangère, je pense qu'à l'étranger, enfin, en France, ils sont encore mieux lotis que nous, quoi. Je veux simplement te répondre que si tu examines le problème palestinien, qui est un problème très délicat au niveau de toutes les télévisions, je trouve que la RTB est celle qui passe le plus d'informations des droits des peuples palestiniens vis-à-vis des autres télévisions, alors que toutes les télévisions subissent quand même des pressions relativement importantes par les ambassades d'Israël et par un certain nombre de lobbies. Et ça, il faut le reconnaître. Il faut être assez objectif dans les analyses critiques. Et juste, il faut quand même se méfier de Frédéric Taddeï, qui, je crois, avait été interviewé dans le film sur Corée, hein, si je ne me trompe pas, et qui traitait l'information quand même de manière... très partiel. Donc je ne pense pas que c'est le journaliste hyper subversif de la télé française. C'est pour les débats qu'il crée, quoi. En gros, il invite, c'est pour les gens qui l'invitent. Oui, il écoute. Oui, mais même dans les débats et dans les gens qui l'invitent, en tout cas, Acrimed, tu peux aller voir sur son site, Action Critique Média en France, a fait des articles sur, je ne peux pas t'en dire beaucoup plus, je les ai lus vite, mais a fait pas mal de critiques sur Taddeï, notamment sa gestion des débats et les gens qu'il invitait, et surtout ceux qui l'invitent pas. Mais lui, il est invité par Taddeï. C'est pas grave, on va aller prendre un verre et on va trancher ça. Je crois que Taddeï, que Michel Collomb est connu en France. Parce que si il a eu plusieurs fois l'occasion de passer. Je sais, il a invité Lordon, je sais, mais il a des émissions qui sont, si je ne me trompe pas, quotidiennes. Hein, donc, Non. Il a plein d'émissions. Une fois par semaine. Non, on ne va pas trop personnaliser l'affaire, mais la question n'est pas de connaître les opinions personnelles de Taddeï, la question est que moi j'aimerais bien qu'il y ait en Belgique quelque chose qui ressemble à ça, ou qui serait encore meilleur, tant mieux, où on donne la parole à des gens qui sont radicalement critiques par rapport au système. Alors que de temps en temps il y ait des intervenants qui ne te plaisent pas ou ne me plaisent pas, ça existe. Mais je trouve ça mieux d'avoir des gens qui ont le droit de critiquer radicalement, d'être pas d'accord avec la version dominante, et que ça ait lieu. Et malheureusement, ça n'a pas lieu en Belgique, et ça a lieu là, ce soir ou jamais, bien tard, et heureusement il y a Internet pour le faire circuler. C'est un des rares espaces où on peut vraiment débattre à fond. Le problème est le suivant. C'est vrai qu'on a des débats à l'RTBF ou à RTL, mais le débat, il est cadré. Il est cadré entre les gens qui sont d'accord sur un certain nombre de points. Je veux dire, par exemple, il y a une guerre contre la Libye ou la Syrie ou un pays comme ça. Le débat, il a lieu sur comment on doit mener la guerre, comment on doit s'y prendre pour gagner cette guerre. Il n'a pas lieu sur pourquoi. Est-ce que c'est une guerre du fric ? Il n'y a pas lieu sur est-ce que nous avons le droit d'aller faire la guerre dans des pays pour dire vous devez prendre tel dirigeant et chasser celui-là. Donc le débat en Belgique n'a pas lieu, ça doit être clair. C'est peut-être sur ces mots-là, questionner le pourquoi des choses. Je pense que c'est le sens de débats comme celui d'aujourd'hui, c'est de questionner le pourquoi des choses, c'est le sens de ce qu'on appelle l'éducation populaire, de remettre vraiment les questions fondamentales au centre des préoccupations, pas simplement de décrire le comment, mais de véritablement questionner l'origine des choses et le pourquoi les choses se font. Alors on sait que la meilleure information, c'est celle qu'on vit, évidemment, mais on n'est pas tous des journalistes, et donc il faut quand même aussi, à un certain moment, que certains puissent rendre compte à un maximum de la vie et de le faire avec ceux qui vivent les choses, et donc peut-être effectivement donner un peu plus, comme tu disais Michel tout à l'heure, la parole à ceux à qui on ne la donne pas, pour véritablement faire partager les expériences et expliquer le pourquoi des choses. Voilà, je vous remercie en tout cas tous les sept pour vos interventions respectives, la qualité de vos propos, même si on n'était pas toujours d'accord ensemble, et c'est ça aussi l'intérêt de ce genre de débat, c'est de pouvoir amener justement par non pas la contradiction, mais en tout cas la confrontation des idées, d'amener la réflexion. Et c'est, je pense que le doute est toujours le début de la sagesse. Et donc la réflexion, c'est aussi le début du savoir et le début d'une conscience que j'espère avoir pu éveiller ce soir avec vous. Et je vous remercie de votre participation à vous tous, évidemment.